la merde dans la tête. Et les mecs qui t'ont mis du plomb dans les jambes, c'est pas du bourrage de crâne, mais si t'as découvert son vrai visage, j'ai le courage de voir ton pote qui c'est un bon rien, une épave. S'il a poucave, si à chaque fois il branche sur des pantounages, s'il présente que des connasses, si dans les endroits publics et half, à chaque fois que tu fais un collage, fuck ton pote, il fait attention à ses côtelettes. Fuck ton pote, il tombe croque d'une pute à pouquette. Fuck ton pote, il c'est une pipette, tu parles jamais de choses concrètes. Ou s'il gobe le crétin pour faire gonfler ses pecs. Fuck ton pote, il s'en fout plein dans le zen. S'il flippe, met un coup de zob, ou s'il est attiré par les hommes. Fuck ton pote, il écoute pas sans ramper sa robe. S'il met sa robe de chambre dans les soirs où se mélange grand méchant. S'il fait que de prendre des trempes, ou s'il vient pas quand la mort fait qu'un frichant. Fuck ton pote, s'il chèle quand il a les menottes. Fuck ton pote, s'il fait encore des vols à roulotte. Ou s'il laisse tomber sa meuf quand elle est en cloque. Fuck ton pote, s'il flippe quand il voit un glock. S'il frime, fuck le. S'il t'a rendu des thunes avec un chèque en bois. S'il fait semblant pas de voir quand t'as pied et lui en survoie. Fuck ton pote, s'il flippe d'aller au turbin. Et si c'est toi, fuck toi. Fuck ton pote, s'il chante comme une fiotte. Sans prison et prend un fiole, ou s'il fait la folle. S'il met toujours son messagerie en faune, n'hésite pas. Fuck le pote, fuck le. Wesh, ouais, cousin. Fuck ta pote. Ça veut pas, j'mette la podka. Fuck ton pote, il se bataille, c'est nos rodka. Si c'est une pince, un var creux. Laisse le vent creux, c'est toujours toi qui rince quand il a le ventre creux. Si c'est un si sort de bite, qui croit pas en lui. Si doit de l'oseille, qui se paye des bouteilles en boîte de nuit, qui t'esquive. Si te fait perdre de l'argent, qui pense qu'à se bourrer la gueule, embrouiller les gens. S'il est relou, jaloux, tout le monde dit qu'il est chelou. Qu'il se la joue voyou, alors qu'il fait walou. Fuck ton pote, si te mitonne, si te hachem. On tombe en croque d'une chaîne, qui lui dit je t'aime, t'es le michton. Fuck ton pote, s'il a pas de parole, un vanta. Sans principe ni vice, tout le temps il arrive en retard. Carrément il vient pas, laisse en galère pour une pute. Bouge pas quand ça se tape, mâche avec toi pour ta but. Fuck ton pote, nous respecte, tu arrives de le perdre. Qui nous prennent pas pour MCP des drapeurs de merde. Dis-lui, c'est pour son bien, quand on se croise demain. Dis-lui, qui me regarde dans les yeux comme serre la main. Dis-lui, Janique un trap qui laisse faire enculer. C'est ta mère pour les transports, pour te voir au parloir alors qu'il est véhiculé. Si tu pétons, qui t'écris pas, pas de mandat, pas de baveux. Tu fais du charme à ta meuf ou à ta sœur. Il le paiera, comme Tony l'a fait à son pote Manolo Libera. Fuck ton pote, il est pas reconnaissant gras. Fuck ton pote, il se bat en courant quand y'a de là. Fuck ton pote, il est déjà tombé pour la pointe. C'est qu'un fumier, s'il porte plainte, s'il pense qu'à plaindre. S'il voit ta mère avec plein de courses, qui vient pas l'aider. Tu l'as vu rouler du cul, qui s'appuie mouler. Que ce soit un pro, un impro, un vrai, un faux, un fou, un faible, un fort, un maigre, un gros, pas chaud, un chaud, grosse peau, plein de meufs, un keuf, un bœuf, le pauvre. On le fuck, le choc, pas choc dans. De l'amour, ghetto fait son cinéma, qui en fait la